بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala dans l'exégèse du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, sourate Al-Alaq. Et bien, comme vous le constatez les frères, on approche petit à petit de la fin de ce juz, le dernier juz, la dernière partie du Coran. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter afin qu'on puisse donc finir l'étude de ce juz, cette dernière partie du Coran, et qu'il nous facilite et nous prolonge la vie afin qu'on puisse étudier ensemble le Coran en entier, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est vraiment très important qu'on étudie le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala entièrement. وقد رأينا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق كل شيء. On a vu la semaine dernière que Allah Ta'ala il nous a créé et qu'il a créé toutes choses. ولم يتركنا هملا. Et Allah تبارك وتعالى ne nous a pas laissé en vain. لكنه تبارك وتعالى علمنا ما ينفعنا علمنا بالقلم. Cependant, Allah Ta'ala, il nous a enseigné ce qui nous est profitable. Il nous l'a enseigné par la plume. Et subhanallah, il y a certains frères qui m'ont posé donc, certaines questions par rapport au dernier cours qu'on a fait. On a vu l'importance d'écrire, de noter pendant les cours. Et c'est une question en réalité qui se répète. Mais pendant le cours, pendant que tu parles, on ne sait pas exactement quoi noter. Les frères, il n'y a pas besoin de tout noter. Il n'y a pas besoin de tout noter. Comme on a dit, tu notes les leçons importantes. Tu notes les leçons importantes ou même tu peux noter ce qui va te faire penser à ces leçons importantes pour que tu puisses rechercher par la suite. Inch'Allah ta'ala. Mais tu n'es pas obligé de noter tout ce que je dis, chaque point, chaque virgule. À ce moment-là, il a arrêté de respirer. À ce moment-là, il a repris sa respiration. À ce moment-là, il a regardé Saleh. Il a dit à Saleh, t'étais où ? Etc, etc, etc. Donc, vous notez juste ce qui était important. Barakallahu fikum. فالله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة. Et donc, Allah تبارك وتعالى il nous a accordé un très grand bienfait. وَمَعَ ذَلِكَ فَالْإِنسَانِ يَسْتَكْبِرُ وَيَتَجَاوَزُ حَدَّهُ. Et malgré ce grand bienfait, l'être humain va s'enorgueillir et dépasser sa limite qui lui a été donnée. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. En réalité, l'être humain transgresse fortement. Lorsqu'il voit, lorsqu'il estime qu'il se suffit à lui-même, lorsque l'être humain estime qu'il se suffit à lui-même, il transgresse fortement. فَالْإِنسَانِ إِذَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ مَالًا وَكُوَّةً حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْتِكْبَارِ. L'être humain, lorsqu'il trouve qu'il possède, qu'il a de l'argent, qu'il a de la force, alors cela va l'amener à l'orgueil. وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et il pense qu'il peut se suffire de lui-même et se passer d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَبَعْضُ النَّاسِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يَسْتَغْنُونَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَشْفِ الْكُرُبَاتِ. Et certaines personnes, ils pensent qu'ils peuvent se passer d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le fait d'enlever les difficultés. Wal husul ala al matlubat. Et le fait de parvenir aux objectifs. Fa'ula la yaltafituna ila Allah tabaraka wa ta'ala. La yubaluna bima amara wa ma naha an. Ces gens-là ne se tournent pas vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'accordent aucune importance à ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné ou interdit. Amma al-mu'min fala yara annahu yastaghni 'anillahi tabaraka wa ta'ala tarfat 'ayn. En ce qui concerne le croyant, Alors, il sait pertinemment qu'il ne peut pas se passer d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le temps d'un clin d'œil, il sait qu'il ne peut pas se passer d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada, Ibrahim, alayhi salam, lamma ra'a al-kawkaba qala inni la uhibbul afilin. Et c'est pour cela qu'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a vu que l'étoile a disparu, il a dit inni la uhibbul afilin, je n'aime pas. Je n'aime pas ceux qui disparaissent, je n'aime pas les choses qui disparaissent, je n'adore pas une divinité qui disparaît. Li tamami ilmihi bi annahu la yastaghni an rabbihi wa annahu muftakir ilayhi fi jami'i ahwalihi. Tout cela parce qu'Ibrahim, alayhi salam, il sait très bien qu'il ne peut pas se passer de son Seigneur et qu'il a besoin de lui dans toute situation. Dans toute situation, alayhi salam. Thumma, قال الله تبارك وتعالى مهددا لهذا المستغني إن إلى ربك الرجعى. Ensuite, Allah تبارك وتعالى, il dit, en menaçant celui qui s'est empli d'orgueil, il lui dit إن إلى ربك الرجعى. Certes, c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Certes, c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Fais l'insan مهما طغى في الأرض ورأى نفسه مستغنيا عن الله تبارك وتعالى فلا بد من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى للحساب. Et donc l'être humain, peu importe comme il a transgressé et comme il s'est senti autosuffisant et comme il a pensé qu'il pouvait se passer d'Allah تبارك وتعالى, peu importe tout cela, il va forcément retourner vers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, qui va le juger. فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ تَهْدِيدٌ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ طَغَوُوا. Il y a dans ce verset une menace pour tous ces gens qui transgressent. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ حَالَ أَحَدِ هَؤُلَاءِ الطَّغَارِيتِ. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité la situation d'un de ces grands transgresseurs. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. Vois-tu, est-ce que tu as vu celui qui interdit un serviteur lorsque celui-ci prie? رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Vois-tu s'il était sur la guidée ou qu'il ordonnait la piété, la crainte d'Allah تبارك وتعالى. أيها الإخوة, هذه الآيات نزلت في أبي جهل طاغية قريش. Oh chers frères, ces versets sont descendus sur Abu Jahl, le grand Tarout de Quraysh. الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه فرعون هذه الأمة. Celui dont le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de lui qu'il est le Pharaon de cette communauté. كان يلقب بأبي الحكم. Abu Jahl, il était surnommé Abu al-Hakam, en référence au jugement, au fait de juger. لأن الناس كانوا يرجعون إليه في أموره في أمورهم يتحاكمون إليه. Car les gens revenaient vers lui dans leurs affaires et ils lui demandaient à lui de juger d'entre eux. فاغتر الرجل بمكانته عند الناس فحمله ذلك على الطغيان. Et donc l'individu, celui-ci, fut leurré par le rang, la position qu'il avait auprès des gens. Et cela l'a poussé à transgresser. فَسَمَّهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي جَهْلٍ. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم l'a appelé Abu Jahl, en référence à l'ignorance. لِأَنَّا تَكَبُّرَهُ وَتُغْيَانَهُ هذا دليل على جهله العميق. Car certes, sa transgression et son orgueil sont des preuves évidentes montrant sa profonde ignorance. فإنه جاهل أنه سيرجع إلى ربه فيحاسبه. Car celui-ci a ignoré qu'il allait retourner vers son Seigneur et qu'il allait le juger. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم. L'imam muslim il a cité dans son sahih, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit, Abu Jahl a dit, est-ce que Mohammed, il se prosterne en votre présence? Est-ce qu'il ose faire ça? Est-ce qu'il ose se prosterner en votre présence? Qil na'am. Il fut dit oui. Il fut dit oui. Alors il a dit à Abu Jahl, Wallati wal Uzza, la in ra'aytuhu yaf'alu dhalik, li ata'anna 'ala raqabatihi aw li u'affiranna wajhahu fi at-turab. Il dit par Allah, il a juré par Allah et Al Uzza, si je le vois faire cela, se prosterner devant moi, si je le vois faire cela, je vais piétiner sa nuque, ou alors je vais enfoncer sa tête dans la terre, ou alors je vais enfoncer sa tête dans la terre. Fa'ata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli za'ama liyata'a ala raqabatihi. Alors, il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci priait. Il a prétendu donc qu'il allait piétiner la nuque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fama faji'ahum minhu illa wa huwa yankusu ala aqibayhi wa yattaqi biyadayhi. Et c'est alors que subitement, il revenait en marchant en arrière. Il marchait en arrière et il se protégeait avec ses deux mains. Faqila lahu malak. Alors, il fut dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Faqala inna bayni wa baynahu la khandaqan min nar wa hawlan wa ajnihatan. Alors, il a dit, certes, il y a entre lui et moi un fossé de feu, des choses terrifiantes et des ailes. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. Il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, s'il s'était rapproché de moi, les anges l'auraient arraché membre par membre. Membre par membre. Fekana Abu Jahl yanha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-salat wa yastamir fi dhalik. Donc Abu Jahl, il interdisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier et il répétait cela. Il répétait cela. أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر أبو جهل فقال ألم أنهك. الإمام أحمد il a cité dans son مسند selon ابن عباس رضي الله عنهما qui dit que Abu Jahl il est passé, il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, ne t'ai-je pas interdit? Ne t'ai-je pas interdit de prier? فَانْتَهَرَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Alors le prophète, il l'a violemment repoussé et blâmé. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ لِمَا تَنْتَهِرُنِي يَا مُحَمَّدٍ. Pourquoi est-ce que tu me repousses et me blâmes, ô Mohammed? فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْثَرٌ Ma biha rajulun aktharu nadiyan minni. Certes, par Allah, tu sais qu'il n'y a pas ici, dans cette cité, un homme qui a une plus grande assemblée que moi. Tous les gens qui sont autour de moi, etc. Attention, ne me cherche pas de problème. Tu sais très bien l'assemblée que j'ai. Fais quoi la Jibril ? Fais l'yad'unadiya. Alors Jibril, alayhi salam, il a dit à ce moment-là, alors qu'il appelle son assemblée. Qu'il appelle son assemblée. Subhanallah alayhi al-azim. Qala ibn Abbas radiallahu anhuma, wallahi, law da'a nadiya li akhadathu zabaniyatu al-'adhab. Il a dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, par Allah, s'il avait appelé son assemblée, les anges du châtiment l'auraient saisi. Les anges du châtiment l'auraient saisi. Ayyuha al-ikhwa, fi hadhihi al-ayat wa fi hadhihi al-qissa umur 'azima yajib at-ta'ammul fiha. Oh mes frères, il y a dans ces versets et dans cette histoire des sujets importants. Il est impératif d'y méditer. Méditer sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. As-tu vu celui qui interdit un serviteur lorsqu'il prie? Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Vois-tu s'il était sur la vérité? Ne vois-tu pas s'il est sur la vérité? Pourquoi est-ce que tu lui interdis? Aw amara bit-taqwa. Ou qu'il ordonne la piété. Bada Allah tabaraka wa ta'ala ma'ahu bir-rifq. Allah tabaraka wa ta'ala, il a commencé avec Abu Jahl par la douceur. Wa arshadahu ila ma fihi salahuhu. Et il l'a orienté vers ce qui est un bien pour lui. هذا الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. إن كان هذا المصلي على الحق كيف تنهاه. Celui qui interdit au prophète صلى الله عليه وسلم de prier, s'il est sur la vérité, comment est-ce que tu peux lui interdire? Pourquoi est-ce que tu lui interdis de prier? أو إن كان يأمر الناس بالتقوى كيف تنهاه. Ou s'il ordonne aux gens la piété et le bien, comment est-ce que tu peux lui interdire de faire? Comment? Fallahu tabaraka wa ta'ala bada'a ma'ahu bir-rifq. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a commencé avec lui par la douceur. Wa hadha yudhakkiruna bi fir'aun. Et cela nous rappelle Fir'aun. Ma'a tughyanihi wa dhulmihi. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala bada'a ma'ahu bir-rifq. Même Pharaon, malgré sa transgression, ses injustices, Allah tabaraka wa ta'ala a commencé avec lui par la douceur. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: "Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa? Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka." Et donc t'est-il parvenu l'histoire de Moussa, lorsque son seigneur l'a appelé par la vallée, par la sainte vallée de Touwa? Va vers Pharaon car il a certes transgressé. Fakul hal laka ila an tazakka. Alors dis-lui, est-ce que tu tiens à te purifier? Après toutes les injustices qu'il a fait, tous les gens qu'il a tués, on va le voir, on lui dit, est-ce que tu tiens à te purifier? Est-ce que tu veux te purifier au Pharaon? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Et que je te montre la voie qui mène vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans une autre sourate: Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Allez vous tous les deux, Moussa et Haroun, allez vers Pharaon car il a certes transgressé. Fakoula lahu qawlan layyina. Alors dites-lui une parole douce. Parlez avec lui de façon douce. Ça c'est à Pharaon, avec toutes les injustices qu'il a faites. Wa fi hadha الذي رأيناه تنبيه لنا وتعليم في تصرفاتنا مع الكفار. Il y a cela, oh mes chers frères, le fait d'attirer notre attention, le fait de nous enseigner concernant le comportement qu'on peut avoir avec les incroyants. وهذا أشد في المسلمين. Et encore pire avec les croyants. La douceur que tu dois avoir avec eux dans un premier temps. C'est impératif que tu commences avec la douceur. Mais nous, on a pris les mauvaises habitudes. ثم تغير الأمر من اللين إلى الشدة. Et ensuite, la situation a changé. De la douceur à la violence. لتولي هذا الطاغية وعدم مبالاته بآخرته. À cause du fait que ce Toria, ce grand transgresseur, il s'est détourné d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et qu'il n'a accordé aucune importance à son au-delà, au fait qu'il sera jugé. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, après cela, appliqué la dureté envers lui, comme on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.